Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Bonjour messieurs, alors nous devons commencer par nous excuser, oui. Car oui, cet épisode sort avec un petit peu de retard. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Bah oui. À qui la faute? Eh bien, à moi la faute, puisque logiquement pour le jeu, on enregistre d'habitude le mardi, mais voilà, mardi j'étais vraiment mal en point, grosse rhinopharyngite qui m'a gentiment été partagé par mes enfants qui me l'ont ramené de l'école. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas le Covid, il y a eu des tests, tout va bien, c'est juste vraiment une petite rhinopharyngite de rentrée. Vous pouvez d'ailleurs certainement l'entendre à ma voix, je suis un petit peu sur la fin, mais bon voilà, mardi c'était pas jouable. Alors je peux travailler, mais sur les trucs un peu faire de l'oral, c'est un peu plus compliqué s'il faut se moucher toutes les 5 minutes. Enfin bref, voilà, on est désolé, un petit peu de retard, mais c'est un moindre mal, toujours 2 épisodes par mois. Voilà, on fait le maximum pour vous, pour le paysage vidéoludique, pour vous rendre fiers et puis surtout pour vous remercier de nous soutenir, car vous pouvez le faire sur Patreon. Vous pouvez nous soutenir à partir d'1,20€. TVA incluse. Car oui, on respecte le gouvernement aussi. Il faut que Emmanuel croque sa petite part sur Fin du Game. C'est bien normal. Voilà, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. On vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui rejoignent encore très régulièrement le Patreon. Ça continue de monter. Sky is the limit. So let's go. Hein. On va essayer d'aller jusqu'au Sky. Est-ce qu'il y a un prochain palier là dont on s'approche, les amis? Oui, mais en fait, on a déjà un petit peu commencé parce que l'idée c'était de dire on va commencer à parler peut-être de jeux rétro, etc. On avait déjà un peu tenté le truc avec Half-Life, hein. Je pense que vous l'aviez vu, c'était un peu l'épisode de l'été, un peu expérimental pour nous, ça s'est plutôt bien passé, on en était content. Donc voilà, troisième saison, en plus d'avoir un programme exceptionnel, car j'ai accès, oui, en exclusivité, à la liste. La liste. La liste. Et qu'on et était là, en train plus, de garnir oui, hier. Oui, hein. Là, on se prépare vraiment des mois et des mois en avance. Hein. Si on a laissé faire Hugo, je pense que jusqu'en la rentrée, il est presque prêt à nous faire la quatrième saison. Mais non, bon. Il faut donner les bails. Hier, moi, donc, on était en train de discuter sur la liste. Mes deux camarades m'ont dit d'arrêter tellement je mettais des grosses cartouches. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette saison va être incroyable. Tellement on en a mis. Et j'ai réussi, bien évidemment, à les convaincre car je suis un fin négociateur. Et puis, je me bats pour vous, voilà, pour le paysage. Moi, c'est pour vous que je le fais. Il y a un moment, ça commençait à parler des épisodes de l'été, de la rentrée de la saison 15. Enfin, on s'est dit, bon, doucement, ouais, doucement. Calme-toi, ils m'ont dit. Respirons, on a c'est le temps. C'est à peine l'automne, doucement. Mais j'aime bien, moi, comme ça, voilà, permet de la sérénité. Et puis les gens, comme ça, je le rappelle, sur le Discord, vous pouvez avoir quelques épisodes en avance, hein, 4 oui. Actuellement. Comme ça, vous pouvez également jouer au jeu, vous préparer de votre côté. Parce que je le rappelle, on spoil, donc c'est mieux d'écouter l'épisode 1. Une fois que vous avez fait le jeu. On remercie également notre sponsor, toujours là, Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Non, j'ai pas envie. Pas aujourd'hui. Et bien, donc consacré aux jeux vidéo. Alors aujourd'hui, ils nous ont pas sorti de livre. Jeux vidéo, justement, en ce moment. C'est oui, ce qu'ils font, jeux hein. vidéo, effectivement, c'est vraiment l'actu en ce moment. D'abord, le livre sur Sega. C'est la galaxie Sega, la oui, cosmogonie Sega, je ne sais pas. Où ils reviennent vraiment sur l'ensemble des consoles Sega et comment vraiment le constructeur a essayé d'articuler sa proposition jusqu'à son bon, destin. Sa déchéance un peu un inéluctable. Petit peu plus hein, voilà. Jusqu'à c'est la mort du soleil, du coup. Hein. Ouais, oui. Voilà. SO Outer Wilds, on le salue. Et puis, pour rester aussi chez Sega, il y a un autre livre qui, là, peut-être nous intéressera un jour dans Fin du Game. Enfin, pas qui nous intéressera. Le Sega peut nous intéresser aussi, mais peut-être qu'il nous servira peut-être plus. C'est le livre sur Yakuza, sur toute la saga Yakuza. Et on en discutait juste avant. On se disait que c'est vrai que faire un épisode sur un des Yakuza, ça pourrait être sympa parce que c'est quand même un monument maintenant du jeu vidéo japonais moderne, quelque chose qui s'exporte très bien, mais qui a gardé vraiment son ADN de jeu vidéo très très très japonais, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode, et si vous êtes amateur de la série, bah voilà, vous pouvez retrouver le livre qui est déjà sorti, hein, il me semble qu'il est sorti, j'ai pas, j'étais vous pas voyez sûr, qu'on a bien les ouais. calendriers en tête, oui, oui, hein, on n'était pas, on est... non mais ils ont annoncé des tonnes de trucs aussi ces derniers temps, c'est ça, c'est là, le truc, c'est qu'ils ont fait leur semaine, un jour, une annonce, oui, il y avait des jeux, il y avait des bouquins tout le temps, mais il arrête pas, il est là, on voit vous chauffer partout, même pas que du jeu vidéo, hein, j'ai entendu dire sur les annonces. Ouais. Il y a beaucoup de choses, enfin bref, encore une fois, on vous renvoie sur leur site, sur leur Twitter aussi, je pense que c'est très pratique pour suivre tout ce qui va sortir, mais voilà, il y a de quoi garnir vos bibliothèques. On a tout dit, c'est l'intro, le protocole est fait, on va pouvoir parler de Thomas Was Alone, c'est le jeu du jour, juste après une petite musique que Maxime va sélectionner parmi les recommandations de Benoît, car cette fois-ci c'est Benoît qui a choisi les pistes. On est écoute ça et puis on commence juste après ce nouvel épisode. Alors, Thomas Was Alone, c'est sorti en octobre 2010 en version Flash d'abord, et oui, c'était d'abord un jeu Flash. On élargit de plus en plus hein, le champ d'exploration de fin du game, hein, bientôt les jeux mobiles, on verra pour cette saison, non, peut-être pas. Et c'est sorti quand même le 30 juin 2012 sur PC, de manière beaucoup plus réglementaire sur Steam, et puis après c'est sorti PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One X, Xbox Series X, Series S, je ne sais pas, j'annonce car je suis comme ça. On précise que Hugo, voilà, bon, il est un peu malade, hein, il prend des médicaments, donc je pense que la fièvre, tu vois, lui fait dire des choses. C'est le premier jeu de Mike Beathell et non pas Mike Beathell, même si c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus drôle. Ça fait bah buzz de shmup un peu. Voilà, bah ouais, Beathell, ouais. C'est vrai que c'est limite ça fait même un nom de jeu. Tu sais, ça fait nom prédestiné pour un créateur de jeux vidéo. Hein. Moi, j'ai toujours dit Beathell, donc mais voilà, moi, la première fois que tu l'entends en vrai Beathell, t'es là. Un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Et ben, on va donc revenir un petit peu sur sa carrière, à ce brave Mike, comme ça on se remettra pas avec son nom. Et c'est toi d'ailleurs qui va t'y coller, Benoît. Et ben oui, lui en fait, il a vraiment une formation, alors au départ de design graphique un peu plus classique, mais il a été assez rapidement engagé chez une boîte qui s'appelait Blitz Game, hein, qui a fait des jeux incroyables comme Dead to Rights Retribution, le moins inconnu de ceux qu'ils ont sorti. Je vois déjà que ça parle beaucoup à Maxime et moi-même. J'imagine que chez nos auditeurs et auditrices. C'était un FPS qui est sorti sur Xbox 360, pardon, et voilà, et je crois que il me semble que sa particularité, c'est que tu avais un chien qui se battait avec toi, que tu pouvais envoyer pour tuer des méchants. En avance sur son temps. Ah ouais, vraiment, voilà. Moi, je sais une chose dessus, c'est qu'il figure pas sur la liste. Il est pas sur la liste. Très bien. Non mais bon, bref, c'est un studio britannique qui bossait donc sur des jeux AA. Assez rapidement, en fait, Mike Beathell, il va se spécialiser dans le level design, ça va vraiment être son violon d'ingre, c'est sa petite passion à lui, c'est vraiment son truc à lui, et en parallèle de ça, quand la journée il a fini son travail, le soir, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un petit jeu comme ça, un petit peu de manière en hobby, hein, vraiment en dilettante. Il se sort sur Kongregate, donc une plateforme, bientôt on pourra dire RIP, puisque c'est bientôt la fin, on ne peut plus rajouter de jeu là-bas. Mmh. Et ça cartonne. En fait, quand le jeu sort, il y a plus de 100 000 personnes qui y jouent, donc il se dit, bon, bah pourquoi pas ? Ce qui est énorme quand même à l'époque. Surtout pour un jeu Flash, quoi. Ouais, voilà, en 2010, c'est énorme. Ouais. ça a vraiment énormément fonctionné. Les gens sont déjà bien convaincus par le concept. Il n'y a pas du tout encore le côté visuel, il n'y a pas du tout la narration, etc. C'est vraiment un proto de ce que pourrait devenir Thomas Was Alone. Et il se dit, bon, bah, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, ce qui est intéressant à noter, c'est que avant de se lancer vraiment dans le développement de son jeu, il a négocié en fait avec son patron pour qu'il puisse conserver les droits du jeu. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut sur lequel on va peut-être un peu insister. Même quand il travaille chez lui, en dehors de ses heures de travail, le droit du travail pour nos amis développeurs de jeux vidéo est tellement mal foutu que même s'ils font un truc sur leur temps libre, ça appartient en réalité à leur patron. Il y a tout un tas de lois, par exemple. Son cerveau de game designer appartient à son patron. En fait, oui, une fois que t'es embauché, ça y est, c'est mais fini. Mais tu sais qu'il y a tout un tas d'histoires de propriété, de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, si des gens de Google ont fait une ligne de code sur l'ordi de Google et que tout le reste a été développé chez eux, à la maison, etc., ou si le laptop appartient en fait au truc, ça leur appartient. Donc bon, bref, tous ces trucs de code, etc., c'est toujours quelque chose qui est très verrouillé. Et donc, bah, Mike Bissell, dès les années 2010-2011, il s'est dit, bah, moi, je n'ai pas envie de donner en fait à ma boîte la licence. Je vais développer le jeu vraiment en solo, et ça a fonctionné. Après, la boîte, juste, je te coupe, la boîte aussi n'a pas forcément perçu un gros potentiel, il me semble, avec Thomas Was Alone. Du coup, c'était un peu le côté... C'est des carrés qui sautent. C'est ça. Les mecs sont là, vas-y, garde. Ils ont rigolé, ça marche. Et Mike dit on va refaire du FPS avec notre chien, tu vas voir, ça va cartonner. Ça sera sur la liste. Et Mike, du coup, dit que son contrat spécifie vraiment, tous les jeux, toutes les créations de Mike Bissell nous appartiennent, sauf Thomas Was Alone, tu vois, ouais. Le contrat, il y a le petit... Et d'ailleurs, entre-temps, je ne l'ai pas précisé, il avait changé de studio, c'est là où il a pris à bosser avec Unity, alors une version un peu plus ancienne, hein, qui n'était pas encore aussi accessible que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Et donc, il bosse comme ça pendant 2 ans sur son jeu, et il sort enfin Thomas Was Alone. Alors, ce qu'il faut également préciser, c'est que d'abord, il est sorti, donc tu l'avais dit, en juin 2012, mais il n'est pas sorti sur Steam à ce moment-là. Ouais, il était dispo, en fait, sur son site. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un festival en Angleterre qui a eu lieu, je sais plus si dans l'été. Mike en parlait dans un podcast sur Game Industry où il dit qu'à l'époque, bon, bah, c'était pas porte ouverte sur Steam comme aujourd'hui, entre guillemets. Il fallait un peu connaître des gens, se faire repérer par des gens de Valve ou quoi. Lui était un peu entre les deux parce qu'il savait qu'il y avait des gens de Valve qui seraient, je sais plus à quel événement vraiment au Royaume-Uni, mais peut-être un festival ou une conférence sur un truc de dev. Il y allait. Il a dit qu'une fois qu'ils s'étaient descendus de l'estrade, qu'ils avaient fait un peu leur conf et tout, il est allé les voir un peu en mode hey, « Salut, je suis Mike Bissell, j'ai sorti un jeu. » Il allait donner sa mixtape, c'est au DJ, écoute ça, tu vas voir, c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment comme ça. Et il y en a un qui a fait « Ah, c'est toi Paperboy ?» Il a dit « Ah, c'est le jeu avec les cubes, là, Thomas Was Alone. » Donc il était déjà un petit peu connu, il a dit « Oui. » Et du coup, ils ont considéré son truc. Et du coup, en novembre, effectivement, ça a pu sortir. Il a pu rentrer sur Steam, ce qui est aujourd'hui plus du tout le cas, hein, puisque maintenant, il y a Greenlight, il y a machin. Alors, vous pouvez sortir un jeu saucisson pédophile. Vous avez gagné. Justement, Greenlight c'est terminé, mais c'est rigolo de voir que c'était il y a seulement 8 ans, et entre temps, bah, Steam en fait ils ont changé 3 fois leur méthode de non-curation, en tout cas d'accès à Steam. Et à l'époque, en fait, c'est pas mal de rappeler que quand t'étais dev indé, tu ne sortais pas systématiquement sur Steam. On n'était pas encore au gros début de cette vague-là. Les jeux indés à l'époque, ils étaient principalement sur Xbox et sur PlayStation. C'est eux qui ont donné un petit peu cet élan, on en a pas mal parlé, mais c'est rigolo de voir comme on disait que voilà, il y a 8 ans, en fait, c'était juste deux relations, un petit peu de discussion à droite à gauche, et tu pouvais ajouter ton jeu. Par la suite, donc bon, il y a eu effectivement le système Greenlight, où c'était les gens qui disaient par leur vote « Ah oui, ce jeu-là, il est cool, j'aimerais bien qu'il puisse arriver sur Steam. » Et depuis maintenant, c'est open bar. Hein, vous donnez, je crois que c'est 100$ ou 50$. Enfin bon, c'est une somme absolument ridicule. Et vous sortez votre jeu de saucisson pédophile, c'est ça que t'as dit. Malheureusement... ça me semble être un bon filon. Et c'est comme ça qu'on est passé de 700 ou 800 jeux en 2012 à plus de 12 ou 13 000 aujourd'hui qui sortent sur Steam chaque année. Mais c'est comme ça que Mike est passé de environ 100 ventes, du coup, à plus d'un million en un an à peu près. Steam a vraiment fait la diff. Lui, il dit, avant de voir les gens de Valve, lui, il avait vendu donc une centaine de jeux. Il a dit, j'avais prévu d'amener ma copine en week-end, en vacances ou quoi. Tu vois, il n'y avait pas vraiment ce projet. Il n'y avait pas d'ambition derrière. Ouais, pas vraiment. Et là, ça a vraiment pété avec Steam. Et donc, ça a vraiment pété les scores. Le jeu, il a eu un succès critique, alors relatif, hein, parce que pour faire plaisir à notre ami Hugo, qui s'est dit, quoi, que 77 sur Metacritic, c'est pas beaucoup. C'est pas tant que ça. Moi, je donne pas de bonus à mes développeurs s'ils font ça. Je le dis direct. Donc en tout cas, même si il n'aura pas son petit bonus, il a quand même fait 1 million de ventes, qui est un chiffre qui est quand même extrêmement symbolique pour les développeurs indépendants. Encore aujourd'hui, faire plus d'1 million de ventes, il n'y a pas tant de jeux qui y parviennent. À l'époque, c'était évidemment encore plus rare. Et ça a donné en fait une espèce de grosse aura à Thomas Wasolone, qui du coup, ben, il y a eu des tests dans les publications professionnelles, sur les sites, etc. Et forcément, il s'est retrouvé en fait dans le bain de ces premier jeu indépendant, de cette espèce de première vague, pour faire plaisir à Maxime, parce que c'est un peu son violon d'ingrat. Fin de la première vague. Voilà. Pardon, excusez-moi. Attention à la chronologie, s'il vous plaît. C'est très important. Des vagues avec Limbo, Braid, voilà, Fez, Super Meat Boy, toute la clique des pionniers un petit peu du jeu indépendant. Thomas Wasolone, il est un petit peu dans cette vague-là. Il a été récompensé donc en 2012 par un BAFTA pour le travail du narrateur, donc David Wallace, qui est un humoriste britannique. Danny Wallace. Pas David Wallace, vérifier, oui, désolé. Qui a remporté donc un BAFTA pour son travail de narrateur. Et l'année suivante, l'IGF, donc l'Indie Game Festival, ça on vous en a déjà pas mal parlé, ont récompensé la musique qui effectivement de Thomas Wasolone est assez marquante, que je vous invite à écouter, celle également de Volume qui est le prochain jeu. Mais bon, bref, écoutez cette musique là, ça vaut bien bien le coup. On apprend donc en avril 2014, comme on le disait, 1 million de ventes, c'est à ce moment là qu'on l'apprend là. Et donc, il y a également PlayStation qui a pas mal fait pour le succès de Thomas Wasolone, parce qu'ils ont intégré le jeu à leur programme de PlayStation Plus. À ce moment-là, ça faisait quelques années à peine que le truc était lancé, et du coup, Sony, en mettant le jeu dans le PlayStation Plus, donc en jeu offert à tous ses abonnés, bah d'un coup, ça a fait des millions de ventes supplémentaires. Donc Bissell, il précise que quand il dit 1 million de ventes, c'est vraiment des ventes Steam ou pure vente de jeu. Il ne compte pas les millions de gens qui ont téléchargé le jeu. En général, on sait maintenant que ça fonctionnait avec un chèque, c'est-à-dire que Sony, comme fait l'Epic Game Store maintenant, c'est-à-dire qu'ils achètent les trucs, et c'est vrai que ça a pu mettre la lumière sur des jeux. Moi, je pense surtout à Rocket League, par exemple, qui a vraiment pu exploser à sa sortie grâce à ça. Mais là, c'est vrai que ça a aussi participé à faire découvrir le jeu et à participer au bouche à oreille. Encore une fois, c'est un jeu qui s'est aussi vendu comme ça sur la durée, tu vois, 2012-2014, il a mis du temps pour atteindre son million de ventes. D'ailleurs, je pense que, tu vois, en le comparer aux autres jeux indés, c'est peut-être celui qui s'est le moins vendu, entre guillemets, de tous ces jeux, parce que Braid et compagnie, là, on tape sur des gros chiffres quand même. Donc, mais voilà, c'est vrai que ça a participé à lui donner beaucoup de visibilité. Bah, et cette histoire de PlayStation, ça rappelle qu'il y a encore cette opportunité en fait, qui s'est vraiment présentée à lui. Lui, là, pour le coup, il a quasiment rien fait. Enfin, il a quand même fait le jeu, etc., qui s'est bien vendu sur Steam, mais il a été contacté par quelqu'un de Sony qui lui dit « Ah ouais, bah, ça te dirait qu'il sorte sur PS3, sur Vita aussi. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on a quand même cité plusieurs freins qui existaient beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, donc notamment le fait de ne pas pouvoir être sur Steam que ça se fasse avec soit de l'audace soit des connaissances. Pareil avec Sony, il y a un petit peu, donc ça existe toujours, mais c'est cette notion de propriété intellectuelle sur toutes tes créations en dehors du jeu, donc bon alignement pour lui, même si c'est vrai que aussi en 2013-2014, Sony, ils étaient justement demandeurs de jeux comme ça, parce que ça faisait partie de leur ligne éditoriale de vouloir commencer à mettre un petit peu des indés en avant, donc alors qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus garnis, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que Sony va aller chercher ? Bon, si, je pense qu'ils le font toujours, ce travail. Mais disons que, voilà, ils étaient demandeurs de projets tels que Thomas Wasolone. C'est ça, c'est la fin de la PlayStation 3. Hein. C'est vraiment à cette période-là. Ils veulent lancer leur PlayStation Plus. Ils ont mis en avant tout un tas de jeux, indés ou non. Mais en tout cas, c'est vraiment cette vague sur console de jeux moins ambitieux, de jeux qui coûtaient moins cher, qui étaient vraiment mis en avant. Et Thomas Wasolone, c'était une super opportunité pour Mike Bissell, qui s'est retrouvé, du coup, à avoir vraiment une aura, en fait, dans le milieu du jeu vidéo. Il s'est retrouvé, tu vois, c'est des noms comme ça qu'on connaît, comme Macmillan, comme, tu vois, Jonathan Blow, etc. Peut-être un peu moins, peut-être un peu moins connu. Mais dans nos cercles, oui, effectivement, voilà. On les connaît. Parmi les gens qui suivent beaucoup l'actualité, on le connaît notamment parce qu'en fait, il intervenait pendant quelques temps à la GDC ou dans des conférences, il parlait pas mal de différents sujets. On l'a beaucoup interrogé sur le fameux deuxième jeu, puisque du coup, après Thomas Wasolone, il a voulu faire un projet beaucoup plus ambitieux qui n'a pas aussi bien fonctionné, qui s'appelle Volume. Et donc on l'a pas mal interrogé là-dessus, et lui il a fait beaucoup de conférences, moi je vous en recommande une sur la GDC où il parle du polish, de comment, à quoi sert le polish dans un jeu indépendant, est-ce que c'est intéressant ou pas, ces fameux 10 derniers pourcents qui font toute la différence, elle est vraiment fascinante cette conf-là. Il en a fait une autre également où il parle du level design qui peut être appliqué à l'écriture de texte dans du jeu vidéo, et ça aussi c'est assez intéressant, et voilà, et du coup ce personnage-là, il a gagné comme ça cette espèce d'aura, il a sa place parmi les noms. C'est un mec qui a profité comme ça de son jeu, de son son succès pour aussi s'approprier un peu cette parole de prendre la parole comme ça de manière publique et de, pas de militer, mais en tout cas promouvoir une certaine vision du jeu vidéo. Et puis c'est quelqu'un qui intellectualise aussi pas mal sa façon de faire et qui aime bien la vulgariser. C'est pour ça que c'est toujours quelqu'un qui est intéressant à suivre, même sur les réseaux, parce que c'est quelqu'un qui va justement faire ce travail-là de vulgarisation de ce qui se passe un petit peu dans les coulisses. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant à suivre. Et bien entendu, fin du game étant fin du game, au moment où on s'est dit on va commencer à enregistrer incroyable l'épisode ça. Sur Thomas Poisolone, quelques jours avant, qu'est-ce qu'on voit arriver sur Twitter alors que ça faisait des mois qu'on l'avait pas vu faire un truc? Bon, je vais annoncer un jeu, voilà. Donc Mike Beattle vient d'annoncer un nouveau jeu, alors dans sa série des shorts, parce qu'il a sorti plusieurs jeux, je pense que j'en reparlerai à un moment donné, des jeux plus courts. Ça va s'appeler The Solitaire Conspiracy, et donc après avoir donné des personnalités à des carrés, il va faire un jeu d'espion façon James Bond un petit peu, avec un jeu de solitaire. Donc ça sort en octobre 2020, et je suis très curieux d'essayer ça personnellement, parce que pour tout vous raconter, tu fais taper un peu la ludographie complète de Mike. Ouais. Tu vois, en relançant Thomas Poisolone, j'ai vraiment bien accroché à cette manière d'aborder la narration et de mixer comme ça l'écriture à ce que toi t'es en train de faire avec ta manette. Et je me suis dit, je vais essayer de jouer à ces autres jeux pour voir la progression du truc. J'ai fait Volume, j'ai fait Subsurface Circular et Quarantine Circular, qui sont les deux shorts. Et j'ai vraiment accroché en fait à sa façon de faire, à son écriture. Donc voilà, je vais pouvoir vous raconter des choses tout au long de cet épisode. En fait, on peut donner un peu les coulisses de fin du game, parce que souvent, en fait, comment on choisit les jeux, il y en a souvent un qui a bien accroché et qui, du coup, va proposer un des jeux. Cette fois-ci, c'est toi. Et du coup, c'est vrai que quand c'est t'as un envie de nous défendre qui propose, ton poulain, ouais. Voilà, on défend un peu plus, on va aller jouer un peu plus de jeux, on va étendre nos recherches pour amener. Mais voilà, ça permet encore une fois de faire des épisodes qui sont coolos et on s'équilibre ça entre nous, donc c'est très cool. On va revenir, du coup, vraiment sur Thomas Poisolone à travers son histoire. Vous connaissez la structure maintenant, ça ne change pas pour la troisième saison. Thomas Poisolone, c'est donc un jeu dans lequel on incarne Thomas. Oh, wow. Grande surprise, le premier gros twist du jeu nous arrive. Alors Thomas, qu'est-ce que c'est? C'est un petit rectangle, on est dans une espèce de programme, on ne le comprend pas forcément tout de suite parce que c'est vraiment des formes géométriques comme ça qui forment des murs, des rebords, on est vraiment sur de la plateforme très minimaliste, et le héros l'est tout autant puisque c'est vraiment juste un carré rouge, c'est pas Super Meat Boy, il a pas de petit visage, rien du tout, juste un petit rectangle rouge, pardon. Mais par contre il ne sera pas si alone que ça, puisque au fur et à mesure du jeu, on va rencontrer d'autres personnages, d'autres quadrilatères. Il y aura cette fois-ci un petit et carré. Et tu sais que ça fait à peu près 18 ans que j'avais pas entendu ce mot-là. Le mot quadrilatère. Ah ouais, non, mais c'est depuis que j'ai quitté le collège, je pense que plus personne n'a osé prononcer ce mot. Pendant la préparation, je l'ai vraiment extirpé d'une partie de mon cerveau. Tu vois, quadrilatère, je fais putain, je savais plus que ça existait ce mot, mais effectivement, quadrilatère, au début, je pensais polygone, mais bref. Donc, on va rencontrer d'autres quadrilatères qu'on ne va pas simplement rencontrer, qu'on va aussi également incarner, puisqu'on incarnera tous les personnages du jeu. On va d'abord rencontrer Chris, qui est cette fois-ci un petit carré qui peut sauter un petit peu moins haut, mais qui est un peu plus fin. Que se Thomas. Glisser dans des petits interstices comme exactement. Ça. Exactement. Il y aura aussi John qui est un long bar, lui il peut la sauter barre assez de Tetris, haut. La barre de Tetris qui lui peut sauter beaucoup plus haut. Et tout au long du jeu, on sera rejoint par tout un casting donc de quadrilatères qui seront autant de personnages qui auront des capacités un petit peu différentes et qui tout au long on va devoir les à la fois switcher, jongler entre ces différents personnages pour les emmener à la fin du niveau de manière tout à fait simple. Ouais, chaque niveau, on a une team un peu différente. Au début, on avait que Thomas. Ensuite, comme tu dis, Chris, et on peut switcher entre Thomas et Chris pour qu'ils se complètent en fait pour progresser dans le niveau. Comme dit Chris, il peut passer par un petit interstice, ensuite appuyer sur un bouton, etc. Un truc assez classique, grosso modo. Mais ouais, les combinaisons vont varier, les niveaux vont exploiter plus ou moins les différentes mécaniques et les différentes complémentarités. Ouais, en fait, à chaque fin de niveau, il y a les formes des personnages qu'on a et on doit les emmener dans ces formes pour pouvoir terminer le niveau. Le jeu va un petit peu se renouveler justement grâce à tous ces personnages. Il y aura Claire aussi qui est le personnage qui peut flotter, il me semble que c'est donc le gros carré bleu cette fois-ci qui peut flotter, qui a une mise en scène d'ailleurs qui est super intéressante. Tu sais, quand tu la rencontres, il y a tout qui est en train de se casser la gueule. En fait, elle est sur une espèce de gros pilier et il est en train de s'effondrer. Et nous, on sait déjà qu'on meurt dans l'eau normalement. Et normalement, effectivement, on a appris qu'on mourait dans l'eau grâce au niveau d'avant. Et en fait, elle se dit je suis perdu, je vais mourir. mourir. Et en fait, non, elle flotte. Et du coup, bah, elle va pouvoir aussi apporter ce pouvoir-là à la team, comme le disait Maxime. Et puis, on rencontrera d'autres personnages. Il y aura Laura, il y aura James, qui est un Thomas, mais à l'envers, avec une gravité inversée, un peu à la VVVVVVVVV. Je ne sais pas combien il y en a de... 5 ou 6, ouais. C'est l'éternel débat. VVVVVV. Et donc, il y a quand même une espèce de narration hein, qui se met en place. Déjà, ces personnages, ils sont introduits donc, par cette fameuse voix du narrateur. Hein, on nous les présente. On décèle un petit peu leur personnalité, déjà, à travers ça. Quand, par exemple, Thomas va rencontrer Chris, qui est un petit carré, on sent que Chris, lui, il a un petit peu un plus mauvais caractère. Hein. Il aime déjà beaucoup moins Thomas, parce que, justement, Thomas peut sauter un peu plus haut que lui. Il est un peu moins agile. Et du coup, il y a cette espèce de jalousie qui se met en place. Et chacun des personnages, comme ça, va avoir sa petite personnalité qui sera d'abord définie par le narrateur. Et à chaque fois qu'on nous introduit un nouveau personnage, comme ça, il y a une petite présentation. Et du coup, après, le narrateur, c'est vraiment lui qui va apporter en fait toute la substance un peu de l'histoire du jeu, puisque bah, en plus de développer la personnalité, il va développer également les relations entre ces petits carrés-là, puisque les différents rectangles, effectivement, il peut y avoir de la jalousie, il va y avoir de l'entraide, ils vont être plus ou moins proches, ils vont plus ou moins s'énerver. Tu vois, John, il saute très haut, alors il énerve les autres parce qu'il est toujours en train de faire le cake, etc. Mmh. Donc voilà, en fait, le narrateur va apporter toute cette richesse-là et va permettre en fait de donner un petit peu un fil conducteur à l'histoire, même si l'histoire principale, c'est le fait que Thomas, en fait, réalise qu'il existe, puisqu'on l'apprend au fur et à mesure du jeu, c'est en réalité une intelligence artificielle qui a pris conscience, hein, c'est la fameuse singularité, le moment où une IA prend conscience d'elle-même, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de s'échapper. Ils sont dans une espèce d'ordinateur, de programme, ils vont essayer de s'échapper, et régulièrement, il y a une sorte de tu vois, la petite corbeille qui essaye de les attraper et qui va les supprimer. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tout au long du jeu, ils vont fuir pour essayer de trouver une sortie, ils vont se faire rattraper tous les uns après les autres par ce truc qui va les supprimer, mais ce n'est pas la fin, car petit twist, une fois qu'ils ont été supprimés, ils continuent d'exister et ils arrivent à découvrir, en fait, Thomas, à un moment donné de l'histoire, il a un aperçu de l'internet. Ouais, voilà. En fait, tu le mets dans sur YouTube. Une des, donc, ce que je disais, hein, les petits slots pour les faire rentrer à la fin du niveau, mais cette fois-ci, le slot, il est dans un truc où, ouais, duquel émane plein d'images, comme ça, une espèce de, voilà, de flux, comme ça, d'images, vraiment typiquement de comment on peut représenter internet, et on rentre dedans, et là, Thomas, il a un aperçu de toutes les saletés, non pas toutes les saletés, de tout ce qu'on voit sur internet. Et du coup après justement il y a le narrateur qui dit il a tout vu, il a vu les images des tortues, des machins, il a entendu parler d'un gâteau, mais un gâteau qui était un mensonge. Donc là c'est une référence à Portal. Ouais, il y a la référence avec Skyrim, avec la flèche dans le genou, etc. Donc c'est vraiment, c'est rigolo parce que c'est une espèce de petit instantané de l'internet et des mèmes de 2012. Ouais, tout à fait, voilà. De 2011-2012, donc c'est assez rigolo de voir ces petites références là qui, au fur et à mesure que plus vous allez y jouer tard à ce jeu, moins ça va vous parler. Oui, parce que c'est les proto-réseaux sociaux. Hein, c'est ça. On est vraiment au début. Donc voilà, les quelques mèmes qui circulaient, bah, c'était sur des jeux très connus. Voilà, on n'avait pas tous les Animal Crossing et machin. C'était 9gag hein, à l'époque. Ouh là là, ces mots comme ça qui sortent du passé, c'est incroyable. Et donc bah, Thomas, en fait, grâce à cet aperçu d'internet, voilà, il se dit bah je vais me créer un compte et tout, c'est important. Il se fait son Skyblog. Non mais ça lui permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose au-delà de son propre univers, et donc il a envie d'y aller et d'emmener les autres là-dedans, et donc ça va vraiment devenir son objectif, libérer tous ses potes pour parvenir à aller dans internet, ce qu'ils arrivent à faire. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que à ce moment-là on pourrait se dire bon bah ça y est, ils sont allés dans internet, le jeu se termine, et en fait pas du tout, il y a un petit twist, il reste encore quelques niveaux. On se retrouve plus tard, alors on n'a évidemment pas de notion du temps, hein, c'est pas 3 ans ni quoi que ce soit, on sait que Thomas et tous ses potes sont partis dans l'internet. Est-ce qu'ils ont disparu, est-ce que leur personnalité s'est diffusée dans l'internet et ils n'existent plus en tant que tel, etc. On ne sait pas. C'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est que dans cet ordinateur, dans ces programmes, ils ont laissé des traces qui seront utilisées par d'autres petits carrés qui sont d'autres personnages qu'on présente un peu plus tard. Leurs prénoms, bizarrement, je les ai moins retenus. Tu vois, c'est moins important. Il y en a tous les petits carrés, c'est la Team Jump. Il y a la Team Jump où ils sont tous ensemble. Ouais, voilà, il y en a un qui essaye d'être très ambitieux et qui veut absolument prendre le parlant sur tout le monde. Enfin, voilà, il y a différentes équipes qui se créent. Et donc, leur particularité, c'est d'être gris. Et quand ils sautent dans une zone qui a la couleur d'un des personnages qu'on a, c'est vrai. vrai qu'on prennent leur capacité. J'étais pas trop précisé, hein, je parlais des formes, mais c'est vrai que tous les personnages ont vraiment une couleur très, très identifiée, hein, vraiment très simple. C'est jaune, c'est rose, c'est bleu. Et en fait, bah, une fois qu'on passe sur cette partie avec les petits carrés gris, et bien cette fois-ci, en passant à travers des espèces de zones qui sont un peu apposées au décor, bah, ils vont pouvoir reprendre les propriétés bah, des architectes, hein, c'est comme ça qu'ils les nomment, hein, donc les 6 ou 7 personnages qu'on contrôlait jusqu'ici. Et par exemple, bah, quand on passe dans une zone bleue, qui était celle de Claire, celle qui pouvait flotter dans l'eau, bah, cette fois-ci, là, les personnages gris pourront flotter dans l'eau. Et du coup, bah, ça se renouvelle un peu entre les puzzles, parce que parfois, il faut le faire passer à travers telle zone pour pouvoir résoudre tel problème, et ensuite, tu switches de jaune, etc. Et après, le jeu se termine là-dessus. Voilà, en fait, on apprend que ces personnages-là, eux aussi, grâce en fait à ce qu'a laissé Thomas et ses amis, ils arrivent à accéder à ce fameux Internet. Et donc, en gros, on comprend aussi, parce qu'il y a aussi une sorte de dialogue, on dirait en tâche de fond, on sait aussi que les humains réagissent à l'arrivée de ces intelligences artificielles, ont tenté de les empêcher de vivre, mais bon, bah, le fait est que ça fonctionne bien. Et toutes ces petites IA parviennent comme ça à se libérer dans la réalité directement. Sachant qu'il y a encore un DLC, il me semble, avec lequel on peut jouer avec deux personnages, même trois je crois, avec notamment Benjamin et son père. Et Benjamin, il a une espèce de petite fusée, tu sais, il a un jetpack, son père lui a fabriqué son jetpack, et du coup, bah voilà, t'as un petit carré qui est comme ça avec. Et ça fait des niveaux d'ailleurs bien hardcore, hein, ils sont un peu plus difficiles que le jeu de base. Mais donc, il y a encore, voilà, d'autres personnages qui sont arrivés avant les architectes. Enfin, il y avait déjà eu des anomalies comme ça dans le programme. Bref, c'est tout un petit peu le propos du jeu, ces espèces d'IA qui se trouvent une personnalité, qui se trouvent une humanité, entre guillemets, et qui vont essayer de collaborer pour pouvoir se sortir de ce programme et se diffuser un peu comme Thomas. Alors, on détaillera un petit peu plus cette histoire, hein. Ce qui fait la force quand même du jeu, c'est sa narration, je pense qu'on peut le dire, mais on va commencer un petit peu par ce gameplay et cette esthétique très minimaliste, qui était d'ailleurs un choix assez conscient de la part de Mark Beattle. Un choix assez forcé, j'en ai dit un petit peu, parce que lui, il admet volontiers que bon, bah, il sait pas dessiner, hein, il est pas du tout graphiste. Et il confesse aussi volontiers qu'il a eu un peu l'opportunité d'être un des premiers, entre guillemets, parce que bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup sur Flash et compagnie, mais de cette première vague indé, un des premiers justement à prendre cette solution, j'ai pas envie de dire de facilité, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire d'avoir un style très minimaliste, mais de l'exploiter du coup narrativement et de faire quelque chose autour de ça, mais qu'effectivement aujourd'hui bah, ça passerait plus du tout. Quoi. Ouais, parce que même en termes de gameplay, alors moi j'ai expliqué un petit peu, parce que le jeu là je l'ai vraiment fait juste pour l'épisode, et c'est vrai qu'en y jouant, en termes de proposition, ça y est, je coche les mots du codex fin du game. A4. Le bingo. C'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression de retourner en 2010, en 2012, avec justement cette première vague indé qui faisait du puzzle platformer avec un petit peu, alors pas trop de challenge, un petit peu de puzzle, tu vois, c'était vraiment un mix en fait qui avait beaucoup à cette époque. D'ailleurs, les jeux dont on parlait, Fez, Limbo, Braid, c'est tous des jeux qui sont sur ce même mix. Alors, c'est à des valeurs, hein, les potards sont réglés un petit peu différemment dans tous ces jeux-là, mais c'est vraiment du jeu typique indé des années 2010, avec en plus un petit côté un petit peu arty, un peu minimaliste, qui fait que, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça passerait beaucoup moins, parce qu'encore une fois, les standards ont pas mal monté. À la fois les standards et à la fois les moyens, puisque du coup, on donne beaucoup plus de moyens aujourd'hui aux développeurs indépendants. Tu vois, en 2010-2012, il n'y a pas tout ce tissu économique de financeurs, tu vois, de boîtes qui vont donner de l'argent, qui vont aider également à créer des entreprises, etc. Il n'y a pas les aides gouvernementales ou régionales ou ce que vous voulez. Et donc, en fait, ben, quand tu crées ton jeu, forcément, tu vas aller à ce que tu peux faire, à l'essentiel, et surtout à ce qui coûte pas cher. Et donc, c'est encore une bonne occasion de rappeler que faire de la 3D, ça coûte un rein. À partir du moment où tu passes de 2D à 3D, tu peux complètement démultiplier ton budget, parce que tout coûte horriblement cher. Et donc, en faisant le choix de la simplicité avec Thomas Oiseaulone, en gros, il a plus tout simplement contrôler les coûts et travailler avec ce qu'il sait faire. Et ça, c'est un truc sur lequel il revient souvent dans ses conférences, sur le côté, tu vois, d'être vraiment conscient de ses forces, de ses faiblesses, et de savoir quoi faire et de ne pas bosser sur des trucs qui ne servent à rien. Ça, c'est un truc sur lequel il insiste pas mal sur sa conférence, donc sur le polish dont je vous parlais un peu plus tôt. Cette idée qu'il y a certains aspects du jeu qui ne sont pas intéressants à développer, ça ne sert à rien d'y passer trop de temps. Par contre, un truc comme les animations, un truc sur Thomas Oiseaulone, une des choses qui avait été saluée à la sortie, c'est justement les animations de saut de ces petits personnages et les déformations. Et c'est tout bête, mais c'est vraiment un aspect du game design qui est très basique, mais qui est vraiment essentiel sur ce côté juice, sur ce côté, on va dire, plaisir plaisir instantané, feedback. Ça, vous pouvez aller sur la très bonne chaîne Game Next Door, hein, qui en parle comme ça de temps en temps. Et, mais l'idée, voilà, de réussir à donner, grâce à une simple déformation d'un petit carré, une animation, une personnalité. Tu vois, John, c'est le personnage un peu espiègle, il saute très haut, donc il va avoir une déformation plus forte que Thomas, qui saute un peu moins haut, etc. Il va travailler, en fait, ces aspects-là pour compenser son manque de maîtrise du dessin ou quoi que ce soit. Et les formes rectangulaires, ça permet aussi une bonne lisibilité dans le platforming, parce qu'il y a des moments où tu dois monter un petit peu sur d'autres plateformes ou te mettre au bord. Bah, tu sais que tant que tu as au moins un pixel qui est toujours sur le bord, tu tiens debout, donc ouais. Ça permet aussi de faire ça. Mais pour en revenir un petit peu sinon sur le fameux tissu économique dont tu parlais, d'un point de vue concurrentiel aussi, c'est pas tout à fait le même contexte aujourd'hui, où tu te vends beaucoup plus sur des trailers, sur de la DA. Il y a beaucoup de jeux, on les a déjà cités beaucoup, hein, que ce soit un Cuphead, un Hollow Knight, un Hyperlight Drifter, bon c'est bon, tu vois des images, déjà t'es un petit peu plus accroché. Là, un Thomas Was Alone, si t'es noyé au milieu de plein d'autres trailers, plein d'autres gifs sur Twitter, c'est pas le plus sexy, évidemment. Oui, vraiment, les standards ont monté, les exigences sont montées, et c'est pour ça que voilà, par rapport à d'autres jeux indés, alors moi je pensais surtout, pour rester un peu dans le plateforme avec de la narration, je pensais à Céleste par exemple, et tu dis qu'on est arrivé à un tel niveau en fait de... Voilà, Céleste, c'est un jeu qui est vraiment brillant et qui est en plus qui a un scope beaucoup plus gros, qui apporte beaucoup plus de choses. Enfin, tu vois, c'est un tout petit jeu à côté de Thomas Was Alone, mais Céleste, c'est vraiment un héritier de ce qu'a pu faire Thomas Was Alone, à la fois sur le business model, mais à la fois aussi sur la proposition. Et voilà, c'est vrai qu'en y rejouant, j'ai été assez surpris comme ça de pouvoir faire ce bond dans le passé, même si ça fait pas si longtemps. On peut vraiment se rendre compte, nous on s'amuse bien à parler de vagues de jeux indés, mais voilà, on se rend compte quand même qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette dernière décennie, même sur le jeu vidéo indé. Et par contre, là où je suis d'accord et avec vous, c'est assez rigolo de s'en rendre compte, c'est que la plupart de ces jeux en fait essayaient de taper dans la même chose, parce qu'il y avait à la fois le manque de moyens, le manque de trucs, et donc ouais. La solution c'est de faire de la 2D, de la plateforme, parce que c'est un genre qui est très connu, et par contre d'essayer de le twister. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment chacun de ces jeux, que ça soit Braid, que ça soit Fez, que ça soit Super Meat Boy, ils vont avoir une approche différente sur un même problème. Ils vont arriver avec un même genre de jeu et se dire comment on peut le twister. On va le rendre plus dur, ça donne Super Meat Boy. On va essayer de le twister en mélangeant un peu de 3D, de 2D, ça devient Fez. On va essayer de jouer avec le scrolling, c'est donc Braid, avec le temps, l'avancer et le reculer. Et par contre, Thomas Was Alone, c'est un des premiers à arriver avec cette idée de narration apportée par une personne extérieure, par cette fameuse voix off qui va vraiment marqué les gens à l'époque. Hein. Le travail de Danny Wallace a vraiment fait tout le job là-dessus, et c'est là-dessus qu'ils vont se différencier en fait. C'est ce polish dont tu parlais, c'est-à-dire que lui justement, il a quand même eu cette intelligence de se dire ok, moi je vais pouvoir rajouter une petite couche de polish grâce à un voice actor, et ça il en parle assez régulièrement. Il se dit en fait, c'est quelque chose que beaucoup de jeux indés ont négligé, ce potentiel en fait que peuvent apporter un voice actor, comment ils peuvent donner vraiment de la substance comme ça à un jeu. Je pense par exemple à Fire Watch, c'est un jeu, encore une fois, là, sans les voice actors, c'est pas ça. Bon, je pense aussi à Transistor, je pense à Hades, je suis en train de jouer à Hades, donc difficile de pas penser aux voice acting. Stanley Parable, Gone Home aussi. Effectivement, c'est tous des jeux qui ont vraiment profité de cette espèce de petite couche qui est pas grand-chose à l'échelle de la création d'un jeu, tu vois, c'est-à-dire engager un acteur, lui faire enregistrer des voice lines. Qui, paradoxalement, doit quand même être à peu près un tiers du budget de Thomas Was Alone. Je sais pas après comment ça s'est organisé pour... Bon, un tiers du budget, attends, le mec, quand il bosse tous les jours... J'avais vu, alors bon, là, je l'ai pas vraiment sourcé, mais je crois que c'est genre sur Wikipédia, tu vois, où c'était en mode, donc sans compter vraiment le temps de travail effectif, il estime à peu près 5000 livres le développement de Thomas Was Alone, et c'est genre le cachet, c'était, je crois, peut-être 2000 livres du Par contre, un truc qui dit justement sur sa conf, sur le polish, et qui va dans le sens que tu disais, c'est que il conseille vraiment aux gens d'aller là-dedans, parce que même si sur le papier ça peut coûter cher, parce que tu sors d'un coup une grosse somme pour les acteurs, c'est pas si cher que ça, tu vois, comparé à... C'est pour ça que je le parle, tu vois, le temps de travail effectif, pour moi, c'est ça, ça a un coût, c'est pas un vrai coût, mais... Oui, c'est ça, ça a pas pris 6 mois à enregistrer les voix, ça a pris peut-être quelques jours, et on peut faire des retakes, etc., on peut faire pas mal de prises avant d'avoir vraiment ce qu'on veut, mais il insiste sur le fait que les acteurs et les actrices, c'est leur travail de donner quelque chose avec cette voix, et on peut les faire moduler, parce qu'eux, ils ont cette expérience-là, et il dit que c'est un peu le secret du polish, tu vois, c'est un truc facile à faire, qui coûte pas tant d'argent que ça, mais qui apporte énormément de qualité, de sentiment de qualité, parce que un truc que j'aime bien dans son approche du polish, c'est cette idée que au premier coup d'œil, les gens ils vont se dire ça, je joue à un vrai jeu vidéo, tu vois, il va y avoir un menu, va y avoir des crédits, va y avoir de la musique, va y avoir un narrateur, va y avoir tous ces petits ensembles qui font dire c'est pas un prototype, c'est un vrai jeu. Il y a cette espèce d'illusion, d'impression. Il y a une strate supplémentaire comme ça de polish qui donne plus de substance, plus de densité à la proposition. Et juste avec cette idée d'avoir un narrateur, et ben voilà, Thomas Wiseau-Lone, il avait ce petit truc qui le différenciait des autres jeux de l'époque. Et il y avait également l'autre twist qui fait que le personnage, le narrateur, arrive à donner beaucoup d'humour puisqu'il incarne à lui tout seul tous les différents personnages. Mais ils racontent vraiment avec chacun leur point de vue toutes les petites batailles, toutes les petites querelles qu'il va y avoir entre les différents carrés, les différents rectangles. Oui, et puis voilà, c'est vraiment du British, hein, y a cette espèce d'humour. Alors, je crois que Max, quand on avait discuté, on le confondait limite avec celui de Stanley Parable. Moi, je pensais que c'était lui. Hein. Ouais, parce que c'est quand même un peu le même style, ouais. Tu vois, de ce truc un peu caustique. Enfin, vraiment, cet humour typiquement britannique, bon, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça marche très bien. Parfois, il glisse un petit truc comme ça. C'est très léger hein, dans Thomas Wiseau-Lone. C'est beaucoup moins moqueur que dans Stanley Parable, mais voilà, il y a toujours cette petite touche que je trouve assez chouette. Bah, y a un petit décalage qui est créé et qui est à la fois ce qui fait tout l'intérêt du jeu, entre donc, le minimalisme des cubes, de leur apparence et tout ce que la voix off leur confère, mais qui est aussi du coup un peu humoristique, tu vois, quand justement il te dit que le petit Chris, en fait, il est jaloux de Thomas, qui est plus élancé, bah, il y a un peu d'espièglerie, parfois, comme il le dit, donc c'est forcément un petit peu drôle, oui, parce qu'il a conscience de parler de carré, en fait, et on est dans cette espèce de complicité avec lui, et c'est fait que c'est ce qui fait que ça marche bien. Mais du coup, il y a, à peu près trois trucs, bon, trois plus un, mais qui, justement, créent vraiment l'intérêt de Thomas Wiseau-Lone, qui est le fait qu'on projette beaucoup, en fait, sur ces petits carrés. Donc, on a déjà cité, il y a le gameplay, le côté, enfin, gameplay animation, entre guillemets, qui fait que, voilà, quand les formes élancées, elles se jettent dans les airs, elles sont plus fines. Et puis, il y a un sound design, tu sais, ils ont tous un petit son qui leur est associé. Donc, là, encore une fois, c'est un trait de personnalité qui est informel, entre guillemets. C'est comme, je sais pas, la manière dont quelqu'un va se déplacer, marcher dans la rue, bah c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité, mais c'est pas un trait de caractère, mais ça raconte quelque chose de cette personne. Ça vient renforcer le truc factuel qui est machin saute plus haut que machin. Mmh. Mais du coup, hop, tu lui donnes une forme élancée, effectivement, un son un petit peu plus fin. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a déjà évoqué. Il y a la voix du narrateur, comme on l'a dit, et il y a toute cette psychologie, en fait, aussi vraiment des différents cubes. Comme on l'a dit, Chris, il est un petit peu jaloux Thomas, il est un peu en mode, mais c'est qui ce gars qui saute? Il y a le Tetris jaune dont j'ai oublié le nom, John, qui fait le cake. Qui est sur scène, en fait, vraiment, il se donne en spectacle, lui, il s'éclate juste, il saute, il va montrer aux autres. Et il est pas vraiment non plus genre arrogant, on a l'impression que c'est plus de la naïveté. Ouais, il est un peu débonnaire, tu sais, il a envie de faire profiter de sa bonne humeur aux autres, parce que lui, il peut sauter haut, alors c'est fun. Ouais, tu vois. C'est vraiment, il se donne en spectacle, et juste, il adore, il dit que les gens, en fait, il dit que les gens, ils vont aimer aussi, tu vois, enfin, vraiment, en mode, c'est t'as évidemment James qui, lui, est à l'envers. Alors du coup personne ne le comprend, il a toujours l'impression d'être un reculon, en décalage avec les décalage. Autres, justement, c'est ça qui est très fort, c'est que grâce à des petites idées de gameplay, des choses qu'on va concrètement ressentir dans nos mains par des possibilités, sauter plus haut, être à l'envers, bah là aussi ça confère une personnalité à ces petits carrés. James, c'est vraiment un bon exemple, parce que c'est logique, en fait, qu'un personnage qui soit sur un autre plan de gravité, il soit en décalage avec les autres personnages. Enfin, ça tombe sous le sens, mais ça marche tellement bien, en fait, grâce au minimalisme, et aussi que ça passe par nos doigts. Il y a aussi un autre personnage, moi, que j'aime beaucoup, c'est Sarah, celle qui fait les doubles sauts, là, qui est toute petite, et en fait, elle est trop puissante, et elle se prend pour Superman. Enfin, non, c'est pas elle qui se prend, c'est Claire qui se dit qu'elle va être un super-héros, parce que justement, elle peut porter les autres. Les deux sont un peu... Mais les deux, elles ont un petit peu trip de « j'ai un pouvoir tellement fort, je vais aider tout le monde ». C'est ça. Et d'ailleurs, quand James va rencontrer Sarah, qui peut double sauter, il va être genre « what ? Mais qu'est-ce que c'est que ce super-pouvoir ?» Elle a un double saut. Voilà, un double saut. En fait, il y a donc Claire, qui est le carré bleu, au début, bah, elle est en mode, en fait, elle pensait qu'elle n'était rien, personne ou quoi, et puis elle découvre qu'en fait, elle a un super-pouvoir qui est de flotter dans l'eau, et elle commence à se construire sa mythologie, là. Et à un moment, elle se dit « mais il faut me trouver un Némésis, elle est un peu dans ces questionnements-là », et en fait, il y a du coup Sarah qui est un super-héros depuis sa naissance, en fait, et elle, c'est bon, elle est effectivement en mode Superman, je vais leur montrer un petit peu à ces gars. Donc moi, je vais beaucoup plus vite, en plus, elle se déplace plus vite, elle est plus petite, donc forcément, il y a une impression de vitesse décuplée, hein, même si on est sur une vitesse d'animation qui est la même, bah, on a l'impression que ça va plus vite, et elle est toute petite, elle va très vite, tu peux te faufiler partout, enfin, bref, tu dis, ce personnage, il est beaucoup plus fort que les autres, et du coup, c'est normal que ce personnage pense de cette façon. Et ça marche super bien, du coup, parce qu'en fait, de base, s'il n'y avait pas eu toute cette psychologie ajoutée par la voix off ou l'écriture, nous, on projette déjà en tant que joueur, des émotions, en tout cas des qualités à tous ces cubes. Hein. Typiquement, Chris, le petit cube qui est le plus nul, entre guillemets, d'un point de vue vraiment utilitaire, c'est le plus nul. Voilà. C'est le moins agréable à jouer. Il faut se faire chier, entre guillemets, à ramener les autres pour qu'ils puissent leur sauter dessus et monter sur les escaliers. Et jusqu'au bout. Hein, jusqu'au ouais, c'est ça. Alors que le Tetris jaune, jusqu'au bout. Jaune. Ok, bon, donc jaune. Donc John, lui, il est vraiment agréable à jouer au début. C'est un des premiers que tu vas incarner, mais par rapport à Thomas et Chris, tu le prends direct pour explorer un peu, te balader, voir un peu la map. Il est beaucoup plus plaisant à jouer. Tu vois toutes les étapes que tu grilles avec lui en fait, et tu dis bon, ok, les autres, je vais devoir les faire monter après. Bon, voilà, ok. Et où celle qui a le double saut aussi, pareil, tu vois, c'est les deux, eux, c'est les plus agréables à jouer directement. Et du coup, il y a toute cette petite psychologie qui est rajoutée. Il y a ça, et il y a l'ordre dans lequel on va les amener. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le jeu est vraiment très malin sur la gestion du rythme, parce que le fait de te donner accès à un pouvoir comme John ou Sarah qui arrive vraiment en dernier, hein, c'est la dernière qui arrive dans le groupe, du coup tu t'es habitué à des choses basiques et d'un coup on te dit et en fait on peut aller faire un double saut, et donc en ajoutant ce personnage là ils ouvrent comme ça une nouvelle strate de possibilités, et donc toi manette en main ça a beaucoup de sens puisque instantanément tu te dis waouh, elle peut double sauter, ça fait 3 heures que t'es en train de faire des sauts classiques et là d'un coup boum tu fais des trucs, tu traverses le niveau en entier en quelques secondes. C'est, tu ressens en fait cette différence, et c'est là où le jeu en fait il est très malin, parce qu'il parvient avec ses capacités de gameplay basiques à les retranscrire à des choses humaines auxquelles on s'accroche tout de suite. Et puis en plus, tu vois, le double saut, c'est le code du jeu vidéo pété, genre c'est pas possible, tu vois. Et justement, d'autres personnages, tu vois, qui font des trucs normaux, entre guillemets, qui sautent, ils voient un double saut, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'appropriation de ce code-là du jeu vidéo pour en faire vraiment un moment narratif et donner à ce personnage vraiment une personnalité intéressante et à créer ce décalage vis-à-vis des autres. Et je trouve que ça marche très bien. Il y a aussi l'autre personnage là sur lequel on peut rebondir, ouais, clair, super intéressant aussi. Alors c'est Laura, je crois. C'est peut-être Laura. J'ai un doute. Si Claire, c'est le carré bleu. Alors, c'est noté sur le document. Vous pouvez vous y référer. Mais pendant ce temps. Bref, si on s'est trompé, donc c'est en fait un rectangle allongé rose sur lequel en fait les personnages rebondissent. Et elle, en fait, son trait de personnalité, c'est qu'elle a peur que les autres l'abandonnent. Parce que dès qu'elle se rapproche des gens, ils se barrent. Oui, et c'est super drôle. Et surtout, ils se servent d'elle en fait pour sauter plus haut. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent littéralement, vraiment, grâce à nos doigts. C'est ce qu'on va faire. On va l'utiliser pour faire passer notamment Chris, et d'ailleurs ils vont tomber un petit in love tous les deux parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Il a complètement besoin d'elle. Après t'es mis dans des situations, ils sont quoi tous les deux, mais c'est celui qui a le plus besoin d'elle. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il y a pas mal de niveaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu ne nous donne pas tous les éléments et c'est parti, on les a tout le temps. En fait, il fait aussi beaucoup de niveaux où il y a juste un, deux personnages pour justement un peu plus cibler la complémentarité entre les deux. Et il y a tout un segment entre Chris et Laura, donc, qui est la personnage sur laquelle on peut rebondir. Et en fait, ils tombent amoureux parce que elle se dit voilà, il aura toujours besoin de moi, donc il va pas m'abandonner. Et lui, il la kiffe trop parce que justement, ça lui permet de sauter plus haut. Bah oui. Et donc, le couple marche très bien et c'est un couple qui marche d'un point de vue gameplay et ça se transforme en relation et donc en narration dans le jeu. Du coup, on a donc toutes ces choses, les animations, la voix du narrateur, l'écriture avec la psychologie et tout, qui confère vraiment ce décalage, mais qui nous fait projeter en fait beaucoup sur très peu. Et puis on peut citer un peu en bonus, t'as la musique aussi qui est sympa, qui arrive à créer vraiment un peu de la mélancolie, ou parfois un petit peu, t'as tout ce sentiment, on va y revenir un peu, mais de solidarité ou quoi, qui arrive à créer aussi ces sentiments. Ouais. Et donc quand on prend en fait tous ces éléments mis bout à bout et qui fonctionnent ensemble, en fait, on se rend compte que le jeu, avec très peu de choses, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment très minimaliste dans son approche esthétique. En réalité, il exprime énormément de choses au niveau thématique, au niveau histoire, et assez, moi je trouve ça assez joli, c'est que c'est la même chose pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les éléments entre eux permettent de donner ce truc-là, et en fait, dans Thomas Was Alone, tous les différents carrés et rectangles, quand ils travaillent ensemble, ça permet de donner quelque chose de différent. C'est un peu ça, en fait, le propos de Thomas Was Alone, ça parle beaucoup d'entraide, de complémentarité, et du fait que quand on est à plusieurs, on est plus fort que quand on est tout seul. Alors, ça paraît tout simple dit comme ça, mais c'est amené de manière très intelligente, comme on l'a dit, avec cette note d'humour, ces touches d'humour, etc. C'est incarné par le gameplay. Et c'est incarné, c'est vraiment exactement incarné par la progression, par comment tu progresses littéralement, puisque il y a vraiment de nombreuses fois dans les niveaux, on va devoir vraiment se soutenir les uns les autres. C'est souvent, tu sais, il y a un perso qui va devoir monter sur un bloc et l'autre va devoir monter sur un perso pour pouvoir monter sur le bloc suivant. Moi, je trouve que ça marche super bien les moments avec James, puisqu'il est à l'envers, et il y a vraiment des niveaux où il y aura Thomas et James juste tous les deux, et ils vont devoir se soutenir l'un l'autre pour ne pas être attirés par leur propre plan. Et du coup, bah, ils arrivent à flotter. Il y a un niveau où ils flottent tous les deux comme ça en se chevauchant l'un l'autre, et tu switches entre les deux et ça te permet d'avancer. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où tu ressens le plus ce propos sur l'entraide. Ce qui marche bien aussi, c'est quand tu incarnes Claire et que t'as tout le monde qui monte dessus, t'as vraiment et l'impression tu traverses d'avoir la mer, hein, toute, ouais. ta toute petite équipe, venez, on monte tous ensemble et le c'est bon, Méduse, on peut passer. On parce qu'on, parce, ouais, exactement. Et c'est vrai que ça marche très très bien dans ce genre de moment, et ça marche très bien parce que ça se passe dans les doigts et ça se passe grâce à des mécaniques. Et c'est pour ça vraiment que je trouve que c'est un jeu qui réussit très très très bien à explorer le potentiel narratif des mécaniques. C'est-à-dire comment une mécanique, parce qu'elle te fait jouer, elle te raconte des choses. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà mentionné, tu vois, dans Devil May Cry, où on disait que les différents personnages, ils exploraient leur personnalité grâce à leur style de combat. Et là, c'est un petit peu pareil, finalement. C'est-à-dire que tous ces personnages, grâce à leurs petites compétences, ils développent une personnalité qu'on peut comprendre parce qu'on comprend des mécaniques de jeu. Et toute cette histoire de donner du sens via du gameplay, bah finalement, j'ai l'impression, tu vois, qu'on en parle quasiment à chaque épisode de l'émission. Et ce qui est cool, c'est que c'est un jeu donc, de 2010 qui avait déjà eu cette intuition-là. Alors évidemment, c'était pas le seul, hein, c'est pas le premier, il n'a pas inventé ce truc-là, mais ça fonctionne vraiment très bien, et à travers donc, ce simple jeu de plateforme, on va beaucoup nous parler donc, de complémentarité, de coopération, on en a pas mal parlé, on va également parler d'héritage, hein, le fait que Thomas, il a volontairement, et les autres, ils ont laissé des traces pour que les autres qui leur succéderont pourront leur aider, et ça me permet en fait d'enchaîner sur un petit point qui nous avait paru assez intéressant quand on a préparé l'épisode, c'est le fait que Thomas, en fait, si le jeu est centré autour de lui, c'est pas du tout pourtant un archétype de héros de jeu vidéo classique, puisque finalement quand on regarde l'intégralité du groupe de quadrilatères, j'adore citer ce mot maintenant, qui travaille avec lui, qui bosse avec lui pour s'enfuir, en fait c'est le plus classique, c'est le plus banal, c'est un peu le personnage standard, il peut sauter haut mais pas trop, il peut se déplacer vite mais pas trop, il est pas trop grand, il est pas trop petit, c'est un personnage assez banal, assez tous les classique. Autres ont une vraie capacité quasiment, alors à part Chris encore une fois qui est oui mais lui il est petit donc il peut passer, oui, c'est ça. Ils ont chacun un petit peu leur truc. Thomas, en fait, sa particularité, c'est pas des capacités physiques, c'est pas des capacités on va dire même de d'entraide où il est pas trop grand ni quoi, c'est sa capacité à faire travailler les gens ensemble et à avoir cette idée, cette envie de les faire coopérer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, en fait, tout simplement, ça va complètement à contre-courant du personnage de jeu vidéo classique où on est super puissant, on est le plus puissant, c'est nous l'élu de la prophétie, on va sauver l'univers grâce à nos petits claquements de doigts. Là, en fait, Thomas, non, lui, il a pas de super pouvoir, par contre, il a la capacité d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place des autres, de penser aux autres et de se dire, ben, si on travaille tous ensemble, on va pouvoir y arriver et on va laisser personne derrière nous. Et c'est rigolo parce que je trouve ça assez sympa comme message à transmettre dans un jeu vidéo, surtout avec simplement des carrés, et ça donne en fait un ton un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu vidéo. Bah oui, ce qu'il définissait effectivement, c'était pas un pouvoir, c'était une émotion, c'est le fait d'être tout seul, tu vois, c'était Thomas was alone, et ensuite il a vu qu'il y avait d'autres personnes, et c'est ce qui lui confère du coup un petit peu cette empathie, la volonté de coopérer, et je souligne un peu sur l'héritage, il y a un truc qui est intéressant un petit peu, on en avait parlé avec Journée, le fameux mythe du héros, tu vois, où le personnage va avoir des enseignements, va compléter sa quête, et ensuite à la fin il y a cette étape où il retourne un petit peu à son village du début et fait profiter les autres villageois de ses connaissances, de ce qu'il a justement, toute l'expérience qu'il a accumulée sur son voyage, et là il y a un peu un côté mythe du héros mais collectif en fait, où ils y sont arrivés ensemble, et à la fin avec l'héritage, les pouvoirs qu'ils donnent, bah, ils donnent un petit peu au cube gris tout ce qu'ils ont appris sur le chemin. Alors deux petits parallèles du coup intéressants qu'on peut faire déjà, c'est que bah, Thomas c'est celui qu'on incarne, et c'est aussi ça notre capacité à nous de jouer, c'est de jongler entre ces différents personnages et de pouvoir donc envisager la complémentarité qu'il y a entre tous ces personnages. Donc effectivement là c'est vrai que c'est ça son super pouvoir à Thomas, c'est qu'il a le joueur derrière lui en fait, et que le joueur il a pu, enfin le joueur, la joueuse bien sûr, et qu'on a pu se projeter à travers tous ces différents personnages, et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser en les maîtrisant, enfin en les organisant tous, et c'est comme ça qu'on avance. Et puis encore une fois sur ce truc d'héritage, bah, ce qui est intéressant c'est ce que je disais un peu, tu vois, un peu plus tôt par rapport à Céleste, c'est que bah, le jeu il a aussi laisser un petit peu ça, c'est aussi un jeu qui a participé à laisser un peu une trace de quelque chose qui était qui était assez en avance sur son temps, et ça c'est Maxime qui l'avait noté dans la préparation, c'est que le fait que c'est un jeu qui est pas difficile, c'est un jeu qui justement se focalise beaucoup plus sur la narration, contrairement peut-être d'ailleurs justement à Super Meat Boy, à Braid, à Limbo et à Fez, qui étaient durs quand même. Hein. Je crois qu'il y a une progression assez classique, tu vois, c'est facile au début, c'est plus difficile à la fin. Exactement. Voilà. Alors que là, Thomas O'Zolone, c'est un jeu qui est rarement challengeant. Il y a peut-être deux ou trois moments où on va perdre, mais c'est parce qu'on a peut-être pas capté un truc, mais voilà, il est vraiment pas difficile à finir, et il avait déjà cette idée de se dire, bon bah en fait moi mon gameplay je vais vraiment le mettre au service de la narration avant tout, plutôt que de le mettre au service de lui-même, entre guillemets, au service d'un challenge. Et ça c'est vrai que bah voilà, autant à jouer, je trouve que voilà, ça a vieilli un peu entre guillemets, parce que maintenant on a fait des trucs beaucoup plus complexes et que les standards ont augmenté, mais par contre, en 2012, miser d'abord sur la narration, d'autant plus avec un truc hyper minimaliste comme ça, c'était quand même, il a eu du nez, et c'est clairement là-dessus que le jeu indé va anguiller, entre guillemets, après quoi. Bah tu vois que t'as des niveaux, même plutôt avancés, qui n'ont même aucune difficulté, alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a où il y a quasiment rien à faire à part progresser, aller à un endroit. Bah typiquement le moment où il découvre internet, je crois qu'il faut juste te placer sous l'espèce de fontaine de mimes là, et c'est tout en fait, il y a rien d'autre à faire ou d'autres, ouais, c'est juste tu vas monter sur Claire, tu vas avancer, bon voilà, c'est très simple, et juste cette réalisation de dire, mais en fait ce niveau, il n'y a aucune difficulté, effectivement, si tu le compares aux autres, eux, c'était toujours, voilà, de plus en plus dur, eux étaient beaucoup plus, entre guillemets, scolaires dans leur approche de la courbe de difficulté, surtout un Super Meat Boy qui va s'inspirer, justement, qui va être plus rétro un petit peu, qui est un hommage un peu Super rétro, rétro ça, mais comme tu le dis, ce déséquilibre, entre guillemets, entre narration et difficulté, bah, on va le retrouver beaucoup plus en 2012, bah, il y a Dear Esther qui sort, qui était déjà dans les tuyaux et tout, qui était un mode à la base. T'as Gnome en 2013, donc oui, il y a beaucoup plus d'indés qui vont s'infiltrer dans ce côté narration. Et même, encore une fois, tu vois, je repense à Céleste, mais il y a des moments dans Céleste où il n'y a aucun danger. Justement, tu sais, on a fini des trucs et le jeu se permet de dire, bah là, ce moment-là, en fait, il est fait pour que tu ressentes plus des choses, que tu sois un peu plus serein, que tu te détaches un petit peu de cette difficulté pour vivre quelque chose de particulier. Il ose ne pas mettre de challenge, ça c'est intéressant. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que faisait déjà Thomas O'Zolone. Alors qu'il pourrait vraiment le faire, il y a des niveaux tout où on entrevoit vraiment la difficulté, que ce soit sur la plateforme ou le puzzle. Il y a un niveau, un moment où tous les slots qu'on doit occuper, ils sont tous en mouvement, donc il faut placer un peu les persos aux bons endroits, et parfois il faut les replacer, parce qu'on se dit, ah non, en fait, il faudra mettre faut un autre cube. D'abord passer le mec, et ensuite... C'est ça, où bah, il y a vraiment un aspect puzzle, quand il y a ce côté héritage, donc toutes les couleurs qu'on peut prendre qui sont en fond, il y a vraiment tu peux créer des combinaisons, et il y en a plein, parce qu'il y a genre, je sais pas, 5 ou 6 couleurs différentes, t'as autant de cubes gris, voilà, tu peux faire, je vous laisse faire le calcul, une trentaine de coups. En y jouant, tu sens qu'il y en a vraiment encore largement sous la pédale, en fait, vraiment en termes de mécanique pure et de mise en situation, tu pourrais être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hardcore, tu vois, c'est comme Super Meat Boy, tu peux faire le monde 1, en fait, tu fais, ah non, en fait, il y a le Dark World derrière, c'est bien pire, mon gars, et en fait, il y a vraiment, dans Thomas O'Zolone, tu te dis, il aurait pu le faire, s'il avait eu envie de faire une expérience comme ça, il aurait largement pu avec ses mécaniques et ses idées. Et un truc qui est intéressant à souligner, c'est que même si cette réalité, tu vois, de la profondeur de gameplay, de système, elle existe et ils en sont conscients, hein. Évidemment, quand ils font le jeu, lui, en tant que level designer, il se rend bien compte qu'il pourrait aller très loin là-dedans. Ils ont quand même travaillé énormément, on le disait, donc toutes ces petites sensations, ce feeling, ces courbes de saut, etc. Tu vois, c'est tout bête, mais quand j'ai regardé un petit peu les articles qui parlaient du jeu à sa sortie, il y a plusieurs articles de Gamasutra, de Polygon, de Kotaku, qui parlent uniquement de la courbe des sauts, parce que c'était des aspects sur lesquels peu de jeux arrivaient à faire quelque chose, parce que, bah, en fait, la plateforme, c'est vrai que depuis Mario, on avait l'impression que tout avait déjà été fait, en réalité on le sait depuis pas du tout, mais un jeu qui comme ça n'a pas forcément de challenge mais qui soigne autant ses animations de saut, ses feedbacks, ses petites transitions, la vitesse d'accélération qu'on va avoir une fois qu'on est en l'air, le air control de John, tu vois, etc., qui font que chacun de ces petits cubes, il est très plaisant à jouer. On sent nous-mêmes, en fait, à force de jouer, au bout de quelques heures, tu dis, ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose pour aller encore plus loin. On aurait pu, voilà. Ouais, on aurait vraiment pu, mais ils l'ont quand même travaillé. Donc ça, je trouve ça vraiment malin de leur part, parce qu'ils auraient pu très bien se dire, bah, vu que c'est un jeu qui n'est pas difficile, on n'a pas besoin de travailler ces trucs-là. Alors que non, ça sert le propos narratif. On a besoin de ces animations pour incarner la personnalité de John, de Chris, etc. Aussi, et hein, il faut que ça soit plaisant à jouer. Donc il y a tous ces différents, tu vois, enjeux qui convergent vers ce besoin d'avoir quelque chose de très travaillé, de très polish. Et c'est de ça dont il parle dans ses conférences, Mike Bissell, en disant, ben, il faut que les choses que vous allez, sur lesquelles vous allez vraiment insister, il faut qu'elles aient un sens et il faut qu'elles servent votre propos global. Sinon, ben, vous allez perdre du temps à passer. Il parlait par exemple, l'exemple qu'il donnait pour cette conférence, c'était volume. volume, qui est un jeu qui se joue en vue de dessus. Pensez à Metal Gear, le premier, c'est quasiment la même caméra. Au début, ils ont envisagé de faire des animations faciales. En fait, bah, une fois qu'ils ont choisi la caméra qui est vue de dessus, ils se sont rendu compte qu'ils auraient pu passer des mois à développer ça, et ça aurait servi à rien du tout. Surtout qu'ils ont fait le choix de mettre des masques aux personnages en disant, bah, les animations faciales, on leur met un masque. Ça y est, c'est fini, c'est réglé. D'ailleurs, on peut. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu dis. Enfin, ça n'a pas forcément rapport avec Thomas Ozzolone, mais c'est vrai que le fait aujourd'hui qu'on voit de beaucoup plus près les personnages, c'est aussi rendu possible parce qu'ils sont beaucoup mieux modélisés et compagnie. Alors qu'avant, on essayait de s'éloigner au plus des personnages et du coup, les angles étaient beaucoup plus grands. Tu vois, je suis en train de rejouer à Ico en ce moment. Bon, voilà, tu vois que le jeu, il essaie de s'éloigner le plus possible parce que justement, il n'y avait pas cette modélisation. Du coup, on essayait de pas trop se rapprocher. Et c'est assez marrant, ça, je trouve, comme. Tu vois, des jeux où justement la caméra est très éloignée, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément, on est souvent proche du personnage. Ah bah oui, on se rapproche de plus en plus, hein, tu vois, exactement, on est vraiment avec les gros plans, plans américains, The Last of Us. Hellblade, elle prend un tiers de l'écran limite. Hellblade, je pense qu'il y a aussi une volonté de cacher des niveaux qui sont pas si grands que ça, enfin, de donner l'impression qu'ils sont plus grands, je pense. On en reparlera peut-être dans cette émission, je ne sais pas, est-il sur la liste? Peut-être. En tout cas, Thomas Ozzolone, voilà, il apporte vraiment quelque chose à cette époque, et même encore aujourd'hui, moi je trouve que c'est un jeu qui reste intéressant à faire pour justement se rendre compte de cette prise de conscience du jeu vidéo qu'il a cette capacité à faire beaucoup plus avec très peu. En fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son approche abyssale, parce qu'on va retrouver ça dans tous ses jeux par la suite. Il aime bien vraiment écrire des choses pour que ben, des simples gestes, des petites choses qu'on fait tout le temps dans le jeu vidéo et qui sont devenues des automatismes quand on a quelques années d'expérience, en fait, il va leur donner un sens, il va leur donner une justification, et ça, c'est vraiment la patte particulière de ces jeux, et c'est quelque chose qu'on retrouve par la suite dans tous ses autres jeux, justement. Et du coup, comme on l'a dit, bah, il a annoncé mardi son futur jeu, un jeu de solitaire espionnage, et on constate aussi que c'est pas des jeux ce qu'il fait, c'est pas des maxi-hits où tu sens qu'il surfe pas forcément sur une grosse vague, bah, ce sera pas tous des minions. Il a essayé quand même donc avec volume, oui. Hein, c'est-à-dire qu'après Thomas Ozzolone, il a quand même grossi, fait un plus gros studio, on était sur 25 personnes. Ouais. Alors peut-être en tout, j'aurais tendance à dire que c'était peut-être une dizaine employés au studio. Il y avait des contracteurs, j'imagine, des prestataires à côté, donc c'est vrai qu'il a tenté de faire grossir, mais après j'ai l'impression qu'il est quand même toujours resté sur un scope un peu plus petit, et même beaucoup plus petit après tout au long de sa carrière, surtout qu'après volume. En fait, il a Thomas Ozzolone qui a vraiment quand même explosé le million de ventes, donc qui a atteint, tu sais, le point critique, mais c'est pas quelque chose qu'il a réussi ou voulu renouveler après, tu vois, je ne sais pas trop. Alors j'imagine qu'on voudrait toujours que ces jeux tapent le million, hein, ça j'imagine, mais je pense que il le disait d'ailleurs dans une de ses conférences, que avec volume il est revenu un peu à la réalité en fait de ce qu'est le développement indé de jeux vidéo, c'est-à-dire que Thomas Ozzolone c'est un accident bénéfique, c'est-à-dire que ça lui a donné beaucoup de moyens, beaucoup de visibilité, etc. Mais après, maintenant il est de retour à une vie de studio un peu plus c'est pas les studios dont on parle beaucoup, en fait, c'est pas les studios hyper successful, mais lui, justement, il raconte comment vivre sa vie de studio qui fait des jeux qui fonctionnent à peu près, mais qui sont pas non plus des gros cartons. Ouais, et ça, c'est un truc qu'on avait noté dans la préparation, parce qu'on avait envie de vous parler un peu de tout ça, parce que c'est finalement un pan du jeu vidéo indé dont, on, comme tu le dis, on en parle peu, alors qu'en réalité, c'est la majorité des cas. C'est-à-dire qu'on parle souvent des jeux indés qui ont cartonné, des suites qui marchent super bien, etc. Il y avait cette peur du deuxième jeu chez McBissell, mais en fait il est toujours là aujourd'hui, il continue de faire des jeux, il a toujours plusieurs employés, et en fait ce qui est très bien d'expliquer par rapport à leur situation, c'est qu'ils ont un fonctionnement de studio indépendant traditionnel, normal, c'est-à-dire que ben ils font des commandes, et de temps en temps ils ont des petits creux, et quand ils ont des petits trous entre deux commandes de producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits jeux. C'est ce qui s'est passé typiquement, et c'est comme ça qu'ils ont lancé donc les jeux shorts. Je vais y revenir juste après, parce que je voulais juste pour volume, pour terminer là-dessus. En fait, c'était son kiff de se dire ben, j'ai vendu beaucoup de jeux avec Thomas Ozzolone, qu'est-ce que j'adore faire? Je vais refaire Metal Gear Solid, parce que voilà. Parce que c'est Metal Gear Solid et que c'est normal. Voilà, il fait partie de la secte des Hugo et Kojima. Du coup, ça doit être bien écrit volume hein, par rapport à... Ah, c'est bien mieux écrit, mais bon, bref. Oh là là là là. Moi, je vous invite à le faire parce que c'est un jeu qui est très intéressant. C'est un jeu donc de pure infiltration qui reprend en fait le concept des missions en VR de Metal Gear Solid, mais il raconte l'histoire de Robin des Bois dans le futur. Alors, c'est assez dit comme ça, c'est assez rigolo. C'est un jeu qui se fait très bien, qui est pas très long et surtout qui propose un éditeur de niveau pour vous montrer l'ambition du jeu. Vraiment, il s'est dit, bah, j'ai envie de faire un jeu d'infiltration, c'est ça mon kiff, j'adore ça. C'était un peu les jeux de mon enfance. Et en plus, j'ai envie d'aller plus loin, je vais proposer le créateur de niveau, le partage de niveau, etc. Et donc, c'est un jeu qui a coûté beaucoup plus cher, il y a beaucoup plus de travail sur la musique, il y a beaucoup plus de doublage, il y a beaucoup plus de visuels et tout. Il n'a pas beaucoup fonctionné. C'est pas un jeu qui a marché très bien en termes de vente, mais ça ne les a pas coulés pour autant. Ouais. Et donc, comme tu disais, ça l'a ramené à la réalité du terrain, c'est-à-dire que ben, on fait des jeux, ils marchent, et ça nous permet de faire le prochain. Et c'est tout. Et ils n'ont pas cherché à aller beaucoup plus loin. Tu vois, un des derniers gros jeux sur lequel ils ont travaillé, c'est le jeu John Wick. C'est une commande. C'est-à-dire que il y a la boîte là qui détient donc les droits de John Wick qui a voulu faire un jeu. Ils ont fait un appel d'offres. Plusieurs ont pitché. Eux, je pense qu'avec leur passé, ils l'ont contacté, je crois pour le coup. C'est eux qui les ont contactés. Ouais, le mec a un peu parlé justement, c'était un peu en sous-marin, genre ah, t'aimes bien John Wick, oh, si tu faisais un jeu tu ferais quoi et tout, et après il avait déjà il dit un shooter c'est un peu obvious, donc peut-être plutôt un jeu tu vois de rôle, enfin tactique, tu vois, tour par tour, et il a dit et ça te dirait vraiment de le faire, tu vois, au final c'était une petite offre qu'ils avaient et fait, du coup ouais. Bah ils ont fait ce jeu là et c'est vrai que quand on avait vu John Wick fait par le Mike Nissel, je me disais pourquoi faire, parce qu'on avait cette vision un peu de l'auteur, l'artiste et tout, et non, lui il le vit très bien, il se dit bah non, en fait on fait des commandes, et quand on ne fait pas des jeux, parce que bah, ça fait des années qu'ils sont là, ils n'ont pas sorti tant de jeux que ça, ils font en fait de la prestation pour d'autres développeurs. Ça c'est un truc que beaucoup de studios font, dont on parle assez peu. Il y a pas mal de studios, ils ont besoin de créer des assets ou de faire du debug par exemple, et ben ils vont demander à un autre studio indépendant de les aider. Il y a plein de studios, en France je pense notamment à Seven Studios, qui s'occupent souvent par exemple de faire le portage des jeux sur Switch. C'est eux qui ont bossé avec Dotemu pour faire Street of Rage 4 par exemple. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler dans l'épisode parce que ça permet de rappeler un peu ce que c'est le quotidien de tout un tas de développeurs qui est, ben, eux, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'avoir de l'argent pour payer les salaires et continuer en fait. Il faut continuer à travailler, à rentrer des sous, de la trésorerie. Mais pas forcément avec ces ambitions à chaque fois de faire des millions de sellers. Ils ont pas des. Vous voyez, c'est pas King avec leur jeu mobile où ils veulent tout le temps des millions d'utilisateurs, ils veulent juste passer au prochain jeu, et donc bah, quand ils ont eu un trou entre deux projets ou deux commandes, ils ont fait Subsurface Circular, qui est ce qu'ils appellent un short game. Ça se joue en 2-3 heures, c'est uniquement narratif, et moi c'est un jeu que je vous recommande vraiment, parce que le concept est assez rigolo, hein. On joue un enquêteur robot qui tourne dans le métro, comme c'est une IA très développée, les humains l'ont empêché de sortir du métro, et il doit résoudre des enquêtes en discutant avec d'autres robots dans le métro. Voilà, c'est tout bête, c'est un dispositif où c'est que du texte, mais ça fonctionne bien, et c'est des petits jeux comme ça, très sympa. Moi ça me va bien en ce moment, tu vois, je suis un peu, c'est pas la daronisation, mais je reprends un peu ce que tu disais Hugo sur le fait que ben, quand je peux faire un jeu qui dure 2-3 heures, moi ça me va parfaitement, et là en plus c'est bien écrit, il y a cet humour moi qui me plaît beaucoup, et cette capacité à raconter des petites choses avec pas grand chose, et ça marche bien. Et le prochain c'est dans la même idée, c'est un jeu de solitaire où ils vont intégrer des espions, des personnages, des Russes, tu vois, enfin voilà, tu vois le trailer, tu te dis mais comment trailer, ils vont faire, c'est assez ouf le trailer, t'as l'impression que c'est un truc hyper épique alors qu'en fait les gens ils font une réussite, hein. Avec leur carte, pipipi, ils mettent un petit truc de trèfle sur un autre trèfle. Enfin, bref, c'est quelque chose de, c'est assez marrant vraiment. Je vous encourage à aller voir le trailer parce que ça donne, moi, ça me donne envie. Moi, j'aime bien jouer à la réussite en vrai parce que bon, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui jouent aux cartes et c'est vrai que c'est un truc, je sais pas, ça doit être dans mon ADN, j'en sais rien. Et franchement, je me dis pourquoi pas quoi. C'est un peu comme s'il y avait un jeu Casino Royale, tu vois, avec un truc épique et en fait, tu joues que le poker. Exactement. Bah, c'est ça. En plus, t'as même à la fin du trailer, t'as même les cartes tombent au ralenti, qui brillent. Et tu vois tout de suite qu'on retrouve tout ce côté, tu vois, toute cette recherche visuelle, tout ce polish, parce que vraiment les dessins ils sont super bien foutus, il y a des petites couleurs qui brillent, tout est bien agencé, feedback, tu sais, quand on pose les cartes on voit que ça part dans tous les sens, donc encore une fois il y a ce sens du polish, de faire même si c'est qu'on fait quelque chose de très simple, il faut le polish à fond pour que justement il y ait ce petit côté game feel juice qui soit cool à jouer. Oui, parce que John Wick X il est sorti quand, il y a vraiment pas longtemps, il est sorti en 2019 3, si je dis pas de bêtises, en même temps que le film, ouais à peu près en même temps. Alors en plus là c'est un dispositif particulier parce que c'est un jeu où on va donc en fait on doit se déplacer de case en case et programmer un petit peu ses actions, et l'idée c'est de réussir à fluidifier à fur et à mesure qu'on va apprendre à jouer, au lieu d'avoir l'impression de jouer à un jeu en temps par tour, mieux on va jouer, plus on va avoir le sentiment de jouer comme si on jouait en temps réel, un peu à la façon d'un John Wick. L'idée c'était de donner l'impression que t'es un personnage qui maîtrise tout, qui contrôle là où arrivent les personnages, donc il en tabasse un, il attrape l'arme, il la jette sur l'autre, il prend sa chaussure, il donne un coup sur le nez de l'autre, enfin tu vois, il va réussir à enchaîner les gestes comme ça de manière complètement parfaite, très bien chorégraphiée, et c'était l'idée du jeu, de réussir à donner ce sentiment là a priori John Wick X a pas trop marché en termes de vente ni même de critique, c'est pas un jeu qui a cartonné, mais bah, vu qu'il y avait une licence derrière, on imagine qu'ils ont été payés pour faire leur truc, et ils passent à autre chose, et là, ils sortent leur jeu de solitaire. Et comme on l'a dit, ils ne cherchent pas à faire des succès de fou. Ils disaient aussi, le jeu, donc avant John Wick X, quand c'était un peu dans les tuyaux, ils savaient que ça allait être signé, que ça allait être fait, mais ils ont eu 6 mois de battement. Ils ont fait, c'est le quarantine, je sais ouais, plus. Quarantine circulaire. Donc quarantine circulaire. Ouais. Juste pour avoir de la trésorerie, juste pour faire tenir la boîte le temps que le truc avec John Wick se fasse et qu'ils aient cette rentrée d'argent-là. Donc là, on est vraiment dans une démarche 100% économique, ce qui les empêche n'empêche pas de faire des jeux, j'en suis sûr, dont ils sont fiers ou qui plaisent à des gens. Mais on n'est plus dans cette démarche vraiment, je sais pas, Thomas Was Alone. Bon, bah, c'est vraiment l'histoire de l'indé, tu vois. C'est le mec, il a fait ça dans son coin, ça a commencé, c'était Game Jam 24h, il l'a mis en flash, ensuite il a négocié avec sa boîte pour en avoir le droit, il l'a sorti, il est allé voir Steam, donc il y a ce côté même un petit peu audace, tu vois, d'aller voir des gens pour mettre son petit jeu qui marchait pas sur Store. Boum, il a 1 million de ventes, il dit à son patron, je me casse, il fait son studio, il devient son propre patron, et il dit en plus, pas de crunch, donc il impose un peu ses valeurs parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais on est du coup maintenant dans la démarche très économique, mais bah, il fait des jeux qui lui plaisent. Hein, réaliste d'être aussi chef d'entreprise, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre les employés que tu as autour de toi, continuer à faire des projets. Et en fait, c'est ça. Hein, et beaucoup de studios vivent ça aussi, tout simplement, parce que tu peux pas seulement toujours compter sur tes jeux que tu as sortis. Je sais que par exemple, Arkane, c'est un studio qui a fait beaucoup de trucs comme ça. Ils ont longtemps vécu en faisant soit de la presta, soit en faisant des commandes, parce que c'est ça qui faisait être meilleur studio. Il y a des tonnes de studios qui sont connus que pour ça. Hein, tu vois, là, on a l'exemple avec Bluepoint qui du coup va prendre une grosse aura avec le remake de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls, mais en fait c'est des studios de techos, tu vois, c'est des gens qui font de la technique et qui les aident. Asobo, c'est pareil. Asobo, pendant très longtemps ils dépannaient les jeux Microsoft, tu vois, ils sont intervenus l'espèce de jeu avec le robot là, je sais plus comment il s'appelait, Record. Ils ont fait par exemple, je crois que c'était quasiment la moitié du jeu, c'est eux en fait qui l'ont codé parce que l'équipe originale avait du mal, et donc Microsoft a dit bon bah vu que c'est inexclu, on va demander à un de nos studios, ils aiment bien Asobo, ils leur ont filé le bébé. Et donc il y a tout un tas de studios comme ça qui fonctionnent de cette manière-là, et ça permet en fait, je trouve, de ça détruit un petit peu ce mythe de ces créateurs passionnés et arty. C'est une vision du jeu vidéo qui est intéressante, mais qui me fatigue un peu parce que c'est aussi des gens qui ont une petite entreprise et qui sont assez pragmatiques. Ils font des jeux qui leur plaisent et ils font ce qu'ils ont envie de faire, mais ils le font pour vivre, de manière tout simplement. Lucide aussi. Voilà. C'est aussi lucide, c'est pas on jette tout. Les exemples à la Jonathan Blow où il va investir sa vie, sa maison, les mecs de The Messenger, enfin, tous ces gens-là qui ont investi leur vie entière dans un jeu en espérant que ça fonctionne. C'est bien, c'est audacieux, mais c'est peut-être pas la manière de réussir sur la durée la plus saine, tu vois. Si tu peux le faire parce que t'es Jonathan Blow, tu vois, Mike Beattle, il avait peut-être pas atteint cette espèce de maxi stade, il avait pas été dans Indie Game de Movie, voilà, donc déjà... C'est mort, hein. Non, mais... Et forcément, du coup, il y a... C'est ça, faut être réaliste, tu vois. Si tu veux continuer à faire des jeux vidéo, tu reconsidères ton scope, tu reconsidères tes possibilités, et tu continues à faire vivre ton studio comme tu peux. Et tu fais pas forcément des jeux moins intéressants. Non, encore une fois, les deux circulaires, donc Subsurface et Quarantine, c'est des jeux où c'est uniquement du texte. Hein. On a vraiment l'impression de jouer à des SMS qui s'échangent. Hein. Le dispositif visuel, il ressemble à ça. Et les histoires, elles sont très bien racontées, elles sont très bien amenées. Donc si vous avez quelques heures à caler et que vous cherchez un truc un peu narratif, voilà, moi je vous les recommande, ça va être très sympa. Et du coup, effectivement, le jeu de solitaire, moi j'ai vu le visuel. Maintenant que je sais que j'aime bien sa façon de travailler à Bizel, je me dis, je vais me jeter dessus parce que pourquoi pas, ça se trouve, il va y avoir une bonne surprise. Et je crois qu'on a fait le tour pour Thomas Was Alone. Je sais pas, c'est probablement un des plus petits jeux qu'on a fait dans l'émission, hein, vraiment, je crois, en termes de réception publique. Il y a beaucoup de gens déjà qui ne connaissaient pas. Je vois aussi sur le Discord que c'est un peu moins actif, tu vois, que par exemple Death Stranding et Horizon, étonnamment. Je viens de révéler la liste, incroyable. Mais c'est vrai que c'était un petit peu moins actif, mais ça nous paraissait quand même pertinent justement de revenir à un plus petit jeu à essayer de montrer, parce qu'il y a d'autres choses justement qui peuvent naître de ces discours, comme par exemple cette idée que les studios, ils doivent aussi travailler différemment, parce que tout le monde n'est pas un successful à sortir des gros projets tous les 4-5 ans. Oui, puis nous, le but, c'est pas non plus de vous parler que de gros jeux non-stop. Exactement. Voilà, on aime bien pouvoir alterner, prendre justement comme ça des jeux auxquels nous on a joué, qu'on a bien aimé. Bon, là, en l'occurrence, c'était moi qui avais envie d'en parler. Mais de temps en temps, de revenir comme ça sur des petits trucs, ça sera l'occasion, entre deux grosses cartouches, on va dire, ça sera des petits jeux comme ça qu'on va vous glisser. Entre mon forcing de gros triple A pour réunir du monde et atteindre le top 1 Spotify. Voilà, j'ai mes deux compères qui me gardent, qui me tempèrent. On va faire quand même des petits jeux, Hugo. Les actionnaires de fin du Game Corporation qui ils veulent toujours plus, mais nous on est là, on va garder cet ADN. Moi je représente. Ça y est, on commence à avoir un nouveau positionnement. Il y a un organigramme qui circule. C'est sur la troisième saison, tu vois. T'es monté en puissance depuis quelques temps, et là ça y est, t'as pris la confiance. Exactement, exactement. Et écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On s'excuse encore pour le petit retard, mais normalement c'est pas grand chose. Ne vous inquiétez pas, le rythme va continuer. Logiquement, le prochain sortira bien le vendredi. La date prévue, ça ce sera bon. Toujours 2 épisodes par mois grâce à votre soutien sur Patreon. Rejoignez-nous là-dessus. On compte sur vous. On compte sur vous. fatigué, ça commence à te sentir. C'est fatigué, ça fait... On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor. Allez, jetez un coup d'œil. Moi, je dis le livre sur Yakuza, à mon avis. Ça, c'est un bon surtout filon. Que, alors là, c'est plus ce petit coup de cœur personnel. C'est Victor Moison qui l'a écrit, que moi, j'ai rencontré, parce qu'il écrivait donc des articles. Alors, il vit au Japon, hein, si je dis pas de bêtises. Mais il écrivait des articles, il les écrit peut-être encore pour Gamekult, dans leur espace premium. Et voilà, comme j'écris moi aussi, je sais qu'un jour, si j'arrivais à faire des phrases qui s'enchaînent aussi bien que lui, ça me ferait très plaisir. Voilà, non, mais c'est vraiment du caviar à lire. Sa manière d'approcher les choses. Il a une vision du jeu vidéo qui est complètement différente de ce que je peux avoir et je trouve ça du coup très enrichissant. Il a cette connaissance de la culture Jap qui est vraiment unique. Donc moi je vous invite vraiment à le lire, ne serait-ce que pour lui, parce que c'est toujours quali. Voilà. C'est quelqu'un, c'est mon gars sûr, Victor Moison, vous pouvez y aller si vous voyez un article de lui. Il avait beaucoup écrit à l'époque, je crois, c'était sur... comment ça s'appelait ? C'est Merlan Free ? Merlan Free, tout à fait, oui. Il avait beaucoup écrit là-dessus et si vous voulez revenir, voilà, il y a même quelques années, c'est un type, je pense qu'il était... je pense que c'est là-dessus qu'ils l'ont repéré. Parce qu'il avait de l'avance. Il a dû écrire dans Games aussi, je pense. Ouais, il était peut-être aussi dans Games. Enfin, voilà. Vous pouvez le lire beaucoup. C'était ma petite reco perso. C'est la reco, le label Exerve. Vous l'avez. Voilà, spécial dédicace. pour les Hey d'Exerve. voilà, on termine sur ces belles paroles. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut. Ciao.